J'ai marché dans mes erreurs, j'ai trébuché 100 fois. J'ai vu des bouts de cœur que je croyais plus faits pour moi. J'ai voulu tout effacer, mais on ne choisit pas sa vie. Alors j'ai décidé que j'en ferai une mélodie. Et si j'ai mis longtemps, c'est pour comprendre vraiment. Tout recommence ici, là où j'apprends. Claqué derrière moi, j'ai perdu mes forces à vouloir être quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui j'assume les tempêtes et les blessures, parce qu'elles m'ont fait faire des choix plus purs. Et si j'ai mis longtemps, c'est pour comprendre vraiment. Tout recommence ici, là où j'apprends. Retrouver mon or, on peut renaître 100 fois quand on croit en soi. Tout recommence ici.